Mais c'est rien du tout, ça, dit Poiré. Eh bien, qu'en sentez-vous? Dit Gondureau la vieille fille. Mais, mon cher monsieur, dit mademoiselle Michonneau, au cas où il n'y aurait point de lettre, aurais-je 2 000 francs? Non. Quelle sera donc l'indemnité? 500 francs. Faire une chose pareille pour si peu. Le mal est le même dans la conscience, et j'ai ma conscience à calmer, monsieur. Je vous affirme, dit Poiré, que mademoiselle a beaucoup de conscience, outre que c'est une très aimable personne, et bien entendu. Eh bien, reprit mademoiselle Michonneau, donnez-moi 3 000 francs si c'est Trompe-la-Mort, et rien si c'est un bourgeois. Ça va, dit Gondureau, mais à condition que l'affaire sera faite demain. Pas encore, mon cher monsieur, j'ai besoin de consulter mon confesseur. Finode, dit l'agent en se levant. À demain, alors. Et si vous étiez pressé de me parler, venez petite rue Sainte-Anne, au bout de la cour de la Sainte-Chapelle. Il n'y a qu'une porte sous la voûte. Demandez Monsieur Gondureau.